moi j'ai fait une thèse sur les expériences de vie des personnes âgées qui sont étiquetées comme dépendantes dans la société française. Et je précise cette petite subtilité parce que ce mot dépendance, c'est un terme stricto français. Voilà. Dans d'autres pays, ces personnes âgées qui sont malades, on va les désigner autrement. En tout cas, je ne pense pas qu'il y ait vraiment un qualificatif qui les définit précisément. Donc, moi, je suis allée voir ces personnes âgées dépendantes, voire très dépendantes, et donc qui vivent dans des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Ce sont des EHPAD. Et mon travail, comme l'a précisé Mathilde, porte sur leur discours. Et je me suis intéressée aux expériences intimes de cet étiquetage, finalement, qu'est-ce qu'on peut nous dire de cet étiquetage dépendant, et ses effets sur le plan identitaire. Alors j'ai décidé, moi, dans la thèse, de donner la parole aux personnes âgées dépendantes, parce que dans les travaux sociologiques à l'heure actuelle, les discours des personnes âgées sont encore peu étudiés. La dépendance, elle s'analyse plutôt à travers les configurations d'aide, donc les aidants, qu'ils soient des aidants familiaux ou des aidants professionnels. Donc il y a pas mal de travaux qui portent sur ces aidants-là. Mais finalement, on ne sait pas grand-chose de la situation, du vécu des personnes âgées elles-mêmes. Donc c'était un petit peu ça l'aspect novateur de ma thèse, c'était de recueillir les discours des personnes âgées. Alors, je voudrais juste vous commencer là en vous donnant quelques données de contexte très rapide pour mieux cibler la population sur laquelle je vais parler aujourd'hui. Donc, le terme dépendant, la dépendance, c'est un terme qui date à peu près des années 1980 dans les politiques françaises pour qualifier les personnes âgées de plus de 60 ans. Et donc ça, c'est important, ce seuil d'âge, de plus de 60 ans, qui, en raison de ses incapacités, a besoin d'être aidé dans la réalisation des actes essentiels de la vie courante. Donc se laver, manger, se déplacer, etc. Ce terme, il va se substituer progressivement à ceux de grabataire et d'invalide, donc pour devenir le qualificatif de la vieillesse qui va mal. Voilà, donc quand on parle de personnes âgées dépendantes dans notre société française, ça désigne vraiment les personnes âgées qui souffrent de solitude, qui sont vraiment dans des situations extrêmement difficiles. Et tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait un seuil d'âge, donc le seuil de 60 ans. Donc à partir du moment où une personne a des incapacités, donc elle ne peut pas se déplacer seule ou ne peut pas se lever de son lit seule, et qu'elle a plus de 60 ans, donc elle va être désignée comme dépendante. Et en dessous de cet âge-là, c'est plutôt des personnes handicapées. Donc c'est vraiment, moi, un terme qui cible les personnes âgées de plus de 60 ans. Voilà, c'est cette grande différence avec les personnes qui relèvent du secteur du handicap. Et ces personnes âgées dépendantes, du coup, elles vont pouvoir percevoir l'allocation personnalisée à l'autonomie, une prestation qui permet de financer un certain nombre d'aides pour qu'elles puissent, par exemple, avoir recours à des aides à domicile, aménager leur logement, etc. Donc, cette personne âgée, pour essayer de visualiser, une personne âgée dépendante, elle a plus de 60 ans, et elle a ce qu'on appelle un GIR, donc c'est un seuil de dépendance, en fait un niveau de dépendance, qui s'échelonne du GIR 1, c'est-à-dire GIR 1, c'est vraiment les personnes dans des situations de grande perte d'autonomie, donc vraiment alitées dans leur lit, donc il y a le GIR 2, le GIR 3, le GIR 4, et donc il y a vraiment à plusieurs niveaux. Et ce GIR, il va du GIR 1 au GIR 6. Donc une GIR 6, ça désigne une personne qui est autonome. Donc GIR, c'est G-I-R. Et une personne âgée dépendante, Donc du coup, une personne âgée dépendante, c'est vraiment une personne qui a plus de 60 ans et qui a un GIR qui est évalué entre le GIR 1 et le GIR 4. Voilà, pour ces données un peu de contexte. Et bien sûr, donc, si on est en GIR 1, on va toucher une prestation plus forte que celles qui sont en GIR 4, qui ne sont pas encore totalement en grande dépendance. Alors, en 2013, en France, on compte près de 1 200 000 personnes qui sont considérées comme dépendantes, c'est-à-dire qui ont plus de 60 ans, qui ont ce GIR 4. 1 200 000 individus. Ce qui concerne à peu près 8% des personnes âgées de plus de 60 ans. Voilà. Et parmi ces personnes âgées dépendantes, donc qui sont en GIR 1 ou GIR 4, quand si on zoome sur ces personnes âgées dépendantes, il y en a 60% qui vivent au sein de leur domicile et il y en a 40% qui vivent en institution. Alors, dans les institutions, ça peut être des unités de soins de longue durée, c'est-à-dire des services d'hôpitaux, en fait, voilà, gériatriques dans les hôpitaux. Mais ça peut être aussi des EHPAD, donc ces établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Et dans les EHPAD, quand on zoome maintenant, quand on fait une approche encore plus micro, dans les EHPAD, c'est les personnes âgées. Enfin, il y a 84% des personnes âgées qui ont un taux de dépendance que l'on dit élevé, c'est-à-dire que le GIR est compris entre le 1 et le 3. Donc 84% ont un GIR vraiment lourd, enfin, en tout cas important. Et parmi ces personnes qui ont un GIR entre le 1 et le 3, il y en a la moitié qui sont vraiment définies comme très dépendantes, donc qui sont en GIR 1 et 2. Donc voilà, c'est un petit peu pour vous cibler la population sur laquelle j'ai réalisé mes enquêtes, parce que après, ça va forcément avoir des influences sur la vie institutionnelle. Ce qu'on constate quand on rentre dans un EHPAD maintenant, vous voulez qu'on attende pour votre copine ? Oui, mais c'est pour ça, je pense que peut-être que ça l'a... C'est un peu des données de contexte, je ne sais pas. Et sinon, on l'appelle. Hein. Avec toute la contextualisation de la dépendance, que je pense que c'est assez au point. En fait, ce que je disais, c'était que, je ne sais pas si tu as les mêmes chiffres toi, mais voilà, la dépendance, donc ça concerne à peu près 1 200 000 individus. Et en EHPAD, on est sur des taux de GIR extrêmement élevés, avec donc plus de, alors je sais plus, 84% sont en GIR 1 à 3, et près de la moitié de ces GIR 1 à 3, enfin de ces personnes âgées qui ont un taux de dépendance élevé, sont définies comme très dépendantes. Donc ils sont plutôt proches d'un GIR 1 à 2. Donc voilà, c'est juste pour dire que ma population sur laquelle j'ai enquêté est extrêmement dépendante, voilà, extrêmement, des taux d'incapacité extrêmement lourds. Et en fait, en EHPAD, maintenant, peut-être que, voilà, on s'imagine les établissements, les maisons, c'est encore des maisons de retraite, où les personnes âgées peuvent, elles sont encore autonomes, etc. Mais maintenant, cet imaginaire qu'on avait autour des maisons de retraite, il n'existe plus vraiment. Et pour pouvoir rentrer en établissement, donc pour pouvoir rentrer en EHPAD, il faut avoir un taux de GIR suffisamment élevé. Les caractéristiques plus sociales, comme la pauvreté économique ou l'isolement, ont été progressivement remplacées par cette médicalisation de l'existence, ou en tout cas par ces taux de dépendance. L'âge moyen des personnes âgées vivant en EHPAD, c'est 84 ans et 9 mois, selon les dernières données. Et la durée moyenne de leur vie en EHPAD, c'est 2 ans et 6 mois. C'est-à-dire qu'elles arrivent donc avec un âge élevé, et avec des taux de dépendance relativement lourds. Et donc, finalement, leur durée de vie dans cet établissement, c'est assez, assez court, quoi. Donc, ces populations, si maintenant on resynthétise, elles cumulent donc plusieurs stigmates, un âge avancé, des maladies, et finalement l'approche de la mort aussi, enfin bon, voilà, un peu pour ces données de contexte. Alors, je voudrais préciser aussi que la majorité des résidents des EHPAD sont des femmes. Et ça aussi, je pense que c'est important de l'avoir en tête. Il y a très peu d'hommes, en fait, dans les institutions. Je n'ai pas retrouvé les chiffres, mais je peux retrouver facilement. Et voilà. Alors, ces établissements, ils ont remplacé les maisons de retraite depuis les années 2000. Et ils sont caractérisés par une ambivalence. Une ambivalence qui, parce que ce sont des établissements qu'on appelle médico-sociaux, donc, c'est-à-dire qui relèvent à la fois du registre sanitaire, mais aussi du registre social. Et je crois que c'est un petit peu la grande difficulté à la fois pour les soignants et pour les personnes âgées, c'est que ces frontières entre le secteur sanitaire et social sont assez floues, et du coup... on ne sait plus trop si on est dans un lieu d'hébergement, comme les maisons de retraite à Isabelle Malon, le dernier chez soi, etc. Donc un lieu de vie pour y faire un séjour, ou vraiment un lieu de soins, puisque tous les lits en EHPAD sont médicalisés. Et les activités donc, de nursing, c'est-à-dire, moi je l'appelle l'activité de nursing, mais donc la distribution des médicaments, la toilette, les aides pour manger, etc., sont extrêmement présentes et rythment le quotidien des personnes âgées. Voilà. Donc ces lieux d'accueil sont des lieux d'accueil de la grande dépendance et d'une forte médicalisation, comme vous l'avez défini tout à l'heure. Alors j'ai repris un petit peu votre définition des routines qu'il y a sur le site internet. Et donc, si je reprends ce que vous avez mentionné, donc, si les routines renvoient à la répétition d'actions ordinaires au quotidien, à des habitudes ancrées dans les corps et les esprits des individus, quelle forme prennent ces activités banales et ordinaires au sein des EHPAD? Je crois là qu'il y a en tout cas un peu une tension. Et comment sont-elles perçues par les personnes âgées institutionnalisées, finalement? Moi, cette com, j'ai un peu réfléchi à quel statut on pourrait donner à ces routines. Voilà un peu pour ces questions que je me suis posées pour réaliser cette présentation. Alors, mon enquête, elle porte sur cinq établissements qui ont été choisis selon leur secteur d'appartenance. Donc, tu l'as dit tout à l'heure, Mathilde, donc je ne vais pas y revenir. L'idée, c'était de prendre des EHPAD qui ont des statuts très différents, donc des statuts privés lucratifs. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est à peu près c'est 3 000-3 500 euros le mois, enfin pour payer le mois pour le prix d'hébergement, c'est-à-dire qu'ils n'est pas remboursé par la sécurité sociale, etc. Donc c'est un coût relativement important. Donc l'idée, c'est de prendre des établissements privés lucratifs pour aller voir cette une vieillesse plutôt bourgeoise, en tout cas riche. Et d'aller prendre à l'extrême opposé des établissements qui relèvent plutôt des services sociaux. Et donc, j'ai pris deux EHPAD qui relèvent du secteur public, donc d'un centre d'action sociale d'une grande ville française. Et entre les deux, j'ai pris un établissement qui est un petit peu, un peu intermédiaire, qui est un établissement privé associatif et qui prend en charge des personnes âgées qui relèvent, qui sont des cadres en fait, qui ont été des cadres. Qui relèvent une caisse de retraite de cadres. Donc là, ils payent rien. Si, ils payent aussi. Mais du coup, cette population se rapproche de mes privés lucratifs. Et j'avais pas envie de prendre un privé non lucratif. Toi, tu vois, peut-être une sorte de pauvre, ça aurait été bien pour avoir un autre privé non lucratif, mais voilà, dans une autre vie. Et donc, dans ces établissements, j'ai rencontré des personnes âgées avec des profils socio-économiques très différents, mais aussi des personnes qui bénéficient de ressources familiales, culturelles et symboliques aussi extrêmement différentes. Voilà, alors ce choix pour ces EHPAD à statut différent nous permettait d'essayer de creuser cette question des inégalités qui n'est pas du tout étudiée dans les travaux de la sociologie. Il y a beaucoup de travaux sur les inégalités intergénérationnelles, mais donc entre les plus vieux vers les plus jeunes, ou les transferts entre les plus jeunes et les plus vieux, donc de manière inter, enfin voilà, verticale. Mais il n'y a pas du tout de travaux sur les inégalités ce qu'on appelle intragénérationnelles, donc voilà, de manière plus horizontale. Donc voilà, pour ces vieux-là, pour ces personnes âgées. Voilà, donc ce choix pour les EHPAD différentes permettait de poser l'hypothèse que les individus disposeraient, je ne sais pas si c'est une hypothèse, de ressources inégales qui influencerait leur expérience individuelle, personnelle de la dépendance et des routines, des activités banales de la vie en établissement. Donc dans ces établissements, moi j'ai réalisé des observations. Je vais peut-être aller plus vite dans le côté interne, donc des observations participantes dans le service d'animation et 50 entretiens avec les personnes âgées. Et ces personnes âgées, j'ai choisi de ne pas m'intéresser à leur taux de dépendance. Je ne voulais pas savoir quel gire elles avaient, en fait, pour pouvoir avoir un échantillon le plus large possible de personnes enquêtées. Donc j'ai parmi mes enquêtées des personnes qui sont dans des états d'extrême fragilité, habitées dans leur lit, etc. J'ai aussi réalisé, bien sûr, des entretiens avec les professionnels avec lesquels j'étais en relation quotidienne. Alors, je voudrais revenir avancer sur d'abord les injonctions normatives qui organisent par le haut les existences en établissement. Et donc avec un intérêt tout particulier porté sur ces activités plus banales, plus routinières. Donc quelles sont les injonctions dans ces établissements? Et ensuite, je voudrais vous montrer la manière dont les personnes âgées peuvent maintenir ou pas des marges de manœuvre par rapport à ces injonctions, par rapport à ces routines qui sont institutionnalisées. Alors, si on se penche plus précisément sur les normes sociales qui organisent les existences des personnes âgées, il y a quelque chose qui est extrêmement frappant, c'est que l'autonomie, en fait, l'autonomie est une norme qui est vraiment prescrite et très valorisée dans les politiques de la vieillesse. Et plus largement, cette norme d'autonomie, c'est une injonction qui est très présente aussi dans les politiques sociales françaises en général, notamment auprès des populations les plus vulnérables. Donc il y a pas mal de travaux qui ont été réalisés sur les personnes fragilisées, qui n'ont plus d'emploi, fragilisées sur le marché du travail, etc. Donc ce qui est vraiment intéressant, c'est que dans les politiques de la vieillesse, on retrouve ces injonctions à l'autonomie. Et dans les textes de loi, cette autonomie, elle est vraiment là pour réaffirmer une citoyenneté aux personnes âgées dépendantes, celles qui sont les plus vulnérables, finalement, de notre société. Et quand on se penche à un niveau plus méso, donc plus intermédiaire, finalement, au sein des établissements, on remarque que la loi aussi valorise beaucoup cette injonction à l'autonomie en disant il faut que dans les établissements médico-sociaux comme les EHPAD, il faut valoriser l'accompagnement au maintien de l'autonomie des résidents pour protéger et assurer des droits aux personnes prises en charge. Donc, je vais faire très très rapidement, mais il y a tout un extrait, toute la loi 2002. Rénovant l'action sociale et médico-sociale, insiste beaucoup sur cette injonction à l'accompagnement au maintien de l'autonomie des personnes qui permet de favoriser son développement, son insertion, ses besoins, il faut respecter aussi son consentement éclairé, etc. Donc vraiment des injonctions très fortes. Et on remarque que dans ces textes, les lourds états de santé des personnes âgées, la médicalisation accrue des existences, n'apparaît donc pas incompatible avec la promotion individuelle des libertés et de la citoyenneté des personnes âgées. Je pense que les établissements médico-sociaux, donc les EHPAD, veulent se démarquer le plus possible des figures repoussoires des hospices, qui prévalait jusque dans les années 80, donc ça je pense que vous en aurez-il, notamment à Paris. Donc tout est mis en œuvre pour mettre à distance les pratiques les plus déshumanisantes, voire totalitaires, qui seraient associées à ces établissements. Donc, pour accompagner leurs résidents, les EHPAD, ils doivent recueillir dès l'entrée les éléments de la vie passée du résident. Ils doivent recueillir ses goûts, ses habitudes de vie, les activités ordinaires qu'il avait au sein de son domicile. Et tout ça, c'est noté, en fait, c'est notifié dans un document qui est rempli par l'animatrice des établissements. Et donc, elle liste avec lui ou avec des membres de sa famille toutes les petites activités du quotidien qui peuvent paraître anodines, mais qu'il avait au sein de son domicile. Et quand on se penche vraiment sur les EHPAD, où ont été réalisées mes enquêtes, les brochures des établissements insiste beaucoup sur, là encore, ces petites activités du quotidien qui peuvent paraître banales. Donc, il va y avoir dans cette rhétorique, dans les brochures, là aussi, une présence extrêmement forte du mot autonomie. Et donc, je vais juste vous lire un peu les types d'extraits dans les brochures qu'on peut lire. Donc, par exemple... alors, salle à manger, cafétéria, espace d'animation et salon de coiffure permettent aux résidents de participer à des activités visant au maintien de leur autonomie. Pour éviter la perte d'autonomie, les personnes âgées sont invitées, en fonction de leurs possibilités et de leurs souhaits, à participer aux actes de la vie quotidienne, comme la mise de la table, le pliage du linge, l'atelier cuisine ou le jardinage. Donc ça, c'est à la fois dans les EHPAD publics ou privés. Il va y avoir aussi, il n'y a pas vraiment de différence entre public et privé à ce niveau-là, dans cette valorisation de l'autonomie et de la participation à des activités ordinaires. Il va y avoir aussi, ça j'ai bien aimé, une équipe de professionnels qui s'est donnée pour mission d'accompagner les personnes âgées dans leur vie quotidienne et de répondre le mieux possible à leurs besoins. Donc, ce qui est intéressant de voir dans ces différents extraits de... j'en ai quand même un qui est quand même superbe. C'est un autre extrait de ces brochures. Quand les familles choisissent d'offrir un toit rassurant aux plus âgés des leurs, elles veulent être sûres de les guider vers un lieu de vie où l'on prendra soin d'eux, plutôt qu'un lieu de soins où ils seront contraints de vivre. Un lieu où ils seront accompagnés dans leurs tâches quotidiennes, stimulés à préserver ou restaurer leur autonomie, où ils seront invités à partager des moments de joie et de convivialité, un lieu sans frontières avec la vie d'avant. Voilà, magnifique. Donc, à travers ces extraits de brochures, ce qui est intéressant, c'est de voir la manière dont les établissements se donnent à voir, et ils se mettent en scène, et tout en faisant la promotion de l'accompagnement au maintien de l'autonomie, ils valorisent vraiment les activités essentielles de la vie quotidienne, les activités qui nous paraissent, le pliage de linge et... la mise de la table, qui nous paraissent relativement anodines, banales, sont les petites activités du quotidien, mais qui permettent de se valoriser, et qui ne concernent pas directement les activités de soins, les activités de nursing. Il y a vraiment une mise à distance de ces activités soignantes. Et quand j'ai interrogé ces brochures d'établissement, elles sont intéressantes à questionner avec les directeurs d'établissement. Un extrait d'entretien que j'ai réalisé avec une des directrices d'un EHPAD où j'étais. Par exemple, elle me dit le mot d'ordre ici, c'est qu'on tient à la vie de la personne âgée. On n'est pas là que pour les laver, les faire manger, les amener à l'animation. Ils ont un vécu, donc c'est la différence entre une garderie et une maison de retraite. À la garderie, les enfants, ils n'ont pas de vie. Les résidents ici, ils ont quand même vécu. Ils ont été quelqu'un. Ils sont toujours quelqu'un. Donc dès qu'on les considère comme des gens ayant leur mot à dire dans les soins, ils vont quand même mieux. Ils se sentent en confiance, le personnel. Bon, alors évidemment, ce n'est pas toujours l'idéal, mais en majorité, ils sont à l'écoute des besoins des résidents. Donc on voit bien là aussi qu'à travers cet extrait d'entretien, cette directrice, elle dévalorise les activités de nursing liées à l'entretien des corps. Et voilà, elle dit les faire laver, les amener à l'animation, les faire manger. Elle dévalorise ces tâches parce qu'elle renvoie ces tâches à la faible technicité, en fait, à des choses, à des routines de travail. Donc, on voit là, à travers cette première dimension, que les EHPAD valorisent dans leur cadre normatif un certain nombre d'activités de la vie quotidienne qui ne se concernent pas directement les soins du corps. Et finalement, maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment, dans la réalité, puisque là, c'est un petit peu l'analyse par le haut, mais finalement dans la réalité quotidienne, grâce aux observations, qu'est-ce qu'on peut en voir, comment elles sont mises en œuvre, ces fonctions. Et ce qui est assez observable très rapidement quand on fait de l'observation en EHPAD, c'est que au-delà même des hétérogénéités secteur public-privé, ça joue pas beaucoup, mais les établissements, tous secteurs confondus, ne dispose pas de personnel qualifié en nombre suffisant. Il y a vraiment une pénurie de soignants qui saute aux yeux. L'encadrement au personnel soignant est moins élevé dans ce type d'établissement que dans les unités de soins de longue durée à l'hôpital. Et donc, de manière plus générale, sur cette pénurie de professionnels, donc un secteur qui est très dévalorisé parmi la médecine, ce secteur gériatrique, il est défini comme une filière d'abandon médical ou comme une médecine de deuxième ordre, en référence donc à une médecine de prestige ou de haute technicité qui serait la cardiologie, etc. Et c'est vrai que dans les enquêtes que j'ai réalisées, on voit bien que le matin, les aides-soignantes, elles sont deux pour assurer les activités essentielles à la vie quotidienne, de toilette, d'habillage, dans un délai seulement de 20 minutes par résident. Donc en étage, il y a à peu près une vingtaine de résidents. Donc vous imaginez bien que ces aides-soignantes, il faut que ça aille vite, quoi. et la surcharge de travail, la pression, le manque de moyens humains et financiers et l'exercice soignante, qui est calé sur des impératifs financiers, rendent particulièrement difficile le travail de ces soignants. Dans un souci de rentabilité financière, il y a vraiment un minimum de personnel qui est embauché dans ces établissements. Les directeurs d'EHPAD que j'ai pu rencontrer témoignent assez rapidement dans les extraits d'entretien des difficultés qu'ils doivent rencontrer. Et par exemple, l'une d'elles me dit, ici, vous savez, il y a des horaires à respecter, c'est pas comme on veut. D'ailleurs, c'est la même directrice que celle de tout à l'heure, c'est la même. Donc ici, vous savez, il y a des horaires à respecter, c'est pas comme on veut, on n'est pas lavé quand on veut. Alors nous essayons de nous rapprocher le plus possible du rythme du résident, le rythme qu'il avait avant chez lui, pour le coucher par exemple, mais il y a des impondérables qui font que je n'ai pas un agent pour chaque résident. Donc du coup on voit bien que ces injonctions à l'autonomie et cette valorisation des pratiques individualisées pour chaque résident, c'est un peu plus questionné, un peu plus remis en question quand on interroge, quand on les gens. Non, ça c'est privé. Et finalement, moi, c'est un petit peu ça dans ma première partie thèse, c'est que dans la vie quotidienne des résidents, c'est pas une norme d'autonomie qui organise leur existence, mais c'est plutôt une norme de dépendance totale et entière qui organise leur existence. Leur lourd état de santé, les pratiques de nursing, la rationalisation du travail des soignants et du nombre de personnel renforcent la mise en dépendance totale des personnes âgées. Et comme le dit cette directrice, donc ça c'est une autre encore privée, toute la journée, le matin ils ont le petit déjeuner, la douche, les repas, on les descend, il faut les remonter pour la sieste, et après à 3h on leur dit c'est l'animation. Alors des fois il faut les stimuler, parce que si on écoute tout ce qu'ils disent, ils vont rien faire. Ils sont très contents après les animations. Vous voyez, aujourd'hui, on a un problème d'ascenseur. Il y en a un qui ne marche pas, alors il va falloir attendre. Donc, on va les descendre pour manger. on va les remonter pour faire la sieste, on va les redescendre pour les animations, et on va les remonter, ou peut-être pas, parce qu'à 17h30, il y a la messe. Donc, de la messe, il faut les redescendre pour le repas. Donc, pour le personnel, ça leur fait une sacrée journée. Une sacrée journée, alors elle me dit quand même, une sacrée journée aussi aux résidents. On voit bien que les activités quotidiennes citées tout à l'heure dans les brochures, comme le pliage du linge, je trouve ça assez explicite, le pliage du linge, la mise de la table, etc., bon, bah, sont beaucoup moins perceptibles quand on fait du terrain. Je reprends une expression de Gérard Rimbert qui a fait du terrain en EHPAD, alors lui avec une approche plus soignante, mais il nous dit qu'il existe plutôt une tension entre la nécessité pratique d'un temps rationalisé issu du monde de l'entreprise, qui est symbolisé par le chronomètre, et la valorisation officielle d'un temps domestique symbolisé par le rythme tranquille du carillon. Et je trouve que c'est plutôt une belle formule, vraiment, qui résume bien la vie en EHPAD. Donc moi, personnellement, j'ai jamais vu de personne encourager à mettre la table, à plier le linge, etc. Faire du jardinage, Et pour faire avec les faibles moyens humains et financiers, sont les routines du travail des soignants qui organisent les existences des personnes âgées. Et c'est plutôt ça qui est valorisé, enfin en tout cas qui organise les existences. Par exemple, l'usage systématique des protections urinaires est courant dans les 5 établissements où j'ai enquêté. Les rares résidents qui n'ont pas de... Alors pour faire plus... Les rares résidents qui n'ont pas de couche, en fait, sont ceux qui ont encore assez d'autonomie pour pouvoir aller seuls aux toilettes. Cette pratique, elle permet de gagner du temps. Voilà, quand on a des couches pour tous les résidents, c'est beaucoup plus... ça va beaucoup plus vite. Parce qu'une personne âgée, pour aller l'amener aux toilettes, ça demande un soignant qui est là et qui prenne du temps pour l'accompagner. Donc, c'est beaucoup plus difficile à mettre en œuvre. Pareil, donc, il y a beaucoup d'activités. Finalement, les existences en EHPAD, elles sont vraiment organisées par rapport à ces routines de travail des soignants. Et là aussi, le matin... dans l'un des EHPAD où je me suis rendue privée, les aides-soignantes, elles amènent systématiquement en fin de matinée les personnes âgées les plus dépendantes dans la salle d'animation. Donc elles les amènent vraiment une ribambelle de vieux là, qui descendent dans les ascenseurs. Et donc vers 10h, les premiers résidents qui ont été lavés et habillés, ils sont installés, sont descendus et installés côte à côte dans la salle d'animation. Donc ils attendent et cette pratique elle facilite le ménage qui est effectué par les agents d'entretien dans les chambres des personnes âgées, mais aussi les déplacements dans l'établissement, parce que en fin de matinée il y a la salle des restaurateurs, parce que notamment la salle des restaurations pour manger est à côté de cette salle d'animation, et donc du coup c'est plus facile de poser ces vieux dans la salle d'animation pour pouvoir ensuite les rediriger, enfin, en tout cas les amener dans la salle de restauration vers 11h et 11h30, plutôt que les remonter pour après les redescendre. Donc c'est un petit peu ce qu'on peut voir. Sauf qu'il y a plusieurs résidents qui souhaiteraient plutôt rester dans leur chambre le matin. j'ai souvent assisté à ça, mais on va y revenir après, mais qui me demande, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me ramener dans ma chambre? Et les soignants font mine de pas entendre ce type de discours, parce qu'elles sont trop préoccupées à descendre, à gérer toute la logistique de ces vieillards, pour prendre en charge ces vieillards. Donc les activités plus ordinaires de la vie quotidienne, finalement, les petits travaux, elles sont plutôt stigmatisées. Par les professionnels, et comme notamment le dit une de ses résidentes, qui est une femme qui est âgée de 90 ans, qui est veuve, qui est ancienne mère au foyer, et qui me dit « Le matin, ils me disent qu'il ne faut pas que je nettoie dans ma chambre, mais je suis prête tôt, je ne vais pas descendre à 9h, donc je mets un petit coup à mes poussières. » Donc elle, cette dame, elle va quand même... alors quand elle dit « ils me disent qu'il ne faut pas que je nettoie », on voit bien qu'on ne valorise pas du tout le ménage de son propre espace. Donc du coup, on voit bien que c'est une certaine forme de stigmatisation, puis on va le voir après dans la typologie. Donc pour finir sur cette partie, on voit bien là qu'un certain nombre de facteurs organisent les existences selon une norme de dépendance totale et entière aux professionnels. Et la norme d'accompagnement au maintien de l'autonomie est vraiment une illusion. Les personnes âgées sont largement tributaires des routines de travail des soignants, notamment pour faciliter leur tâche quotidienne dans un contexte de moyens humains et financiers très réduits. Alors, après avoir défriché ces injonctions normatives, je voudrais montrer comment les personnes âgées résistent et maintiennent coûte que coûte des marges de manœuvre. On a déjà un petit exemple plus haut, mais il y en a d'autres. Donc, en m'appuyant sur la sociologie compréhensive et interactionniste, j'ai construit donc une typologie des expériences vécues de la dépendance qui renvoie à des expériences de vie très différentes selon les individus, selon leurs ressources, selon leur niveau socio-économique. Alors, j'ai peut-être... pour revenir un peu sur la construction de cette typologie, moi, si j'ai appelé ma thèse « Devenir dépendant », c'est que pour moi, la dépendance, ça m'a paru être une situation centrale dans l'existence de ces personnes âgées qui caractérise dans un sens négatif et contraignant toutes les dimensions de l'expérience des personnes vieux institutionnalisées, donc quel que soit leur état de santé. Donc leur dépendance, effectivement, ils ont un taux de dépendance élevé, ils sont étiquetés comme dépendants dans la société, mais aussi dans la nature de leurs différents liens sociaux noués à la fois avec le personnel, parce qu'avec le personnel, on a vu qu'ils étaient en lien de dépendance extrêmement étroit toute la journée, mais aussi les familles, puisqu'il y a certains travaux qui montrent que les familles peuvent exercer une certaine forme d'emprise sur l'existence des personnes âgées. Et en EHPAD, on ne choisit pas les heures de visite de ces enfants. Enfin, en tout cas, c'est les enfants qui viennent dans l'établissement. Voilà, on ne va pas les voir chez eux. Et ces visites, elles sont aussi très encadrées par l'institution avec des horaires de visite qu'il faut respecter. Et cette norme de dépendance, elle est aussi très étroite dans les liens sociaux noués avec les autres résidents de la maison de retraite, enfin de l'établissement, de l'EHPAD. Parce que quand on est en EHPAD, on est confronté quotidiennement aux autres résidents. Voilà, on va manger, on n'a pas vraiment le droit d'aller manger, enfin de rester seul pour manger dans sa chambre, on doit aller dans la salle de restauration. Et dans la salle de restauration, c'est des tables de 4, 5, et on est confronté à la dépendance des autres, c'est-à-dire qu'on voit des personnes qui sont dans une situation de perte d'autonomie beaucoup plus importante que nous-mêmes, et c'est un petit peu. Enfin, en tout cas, c'est beaucoup de personnes âgées qui le vivent en souffrance. Bref. Donc finalement, la dépendance n'est pas uniquement un état de santé dégradé, mais c'est plutôt, moi je l'ai étudié comme ça, plutôt un statut social spécifique dans la société et qui est particulièrement dévalorisé. Alors j'ai dégagé trois types idéaux que j'ai nommés s'accepter, se résigner et s'abandonner, que j'ai étudié selon des parcours de dépendants. Et pourquoi des parcours ? Parce que j'ai relevé des étapes, donc une phase d'entrée dans le statut dépendant, une phase d'apprentissage de ce statut avec les différents professionnels et une dernière phase qui caractérise des modes d'adaptation secondaire des personnes âgées. Là, je fais très rapide, mais je ne pense pas que ce soit essentiel pour comprendre la suite. Donc c'est s'accepter, se résigner et s'abandonner. Donc je ne vais pas vous parler de toutes ces phases. La première phase, la phase d'entrée, je ne vais pas en parler ici, je vais aller très vite, mais je vais plutôt zoomer sur la phase d'apprentissage de ce statut social avec les professionnels et aussi les modes d'adaptation secondaire, donc la deuxième et la troisième phase. Donc le premier type s'accepter, il caractérise les personnes qui ont opéré un cheminement personnel pour prendre conscience de leur perte d'autonomie. Donc c'est des personnes qui ont adhéré totalement à leur statut social de dépendant. Elles ont totalement conscience de leurs difficultés, leur maladie, leur incapacité, et elles refusent d'être dépendantes de leurs enfants. Elles ont choisi d'entrer en institution pour maintenir à distance leur entourage familial de leurs problèmes. Donc c'est vraiment des personnes qui mettent à distance leur entourage familial, qui sont rentrées de manière volontaire en institution, et ça c'est vraiment important de le dire. Et du coup, une fois entrées en institution, elles sont particulièrement sensibles aux moyens qui sont mis en œuvre dans l'établissement pour leur faciliter l'existence. Alors par exemple, deux extraits d'entretien de femmes, la majorité des entretiens que j'ai cités sont des entretiens de femmes, comme c'est un homme, je vous le dirai. Donc, une femme de 87 ans, ancienne. Elles sont aussi toutes veuves. Hein. Je peux. Voilà, c'est. Elles sont veuves et. Voilà. Et alors, donc, donc un extrait d'entretien d'une ancienne enseignante. La vie est beaucoup plus simple par rapport à chez soi, parce chez soi, il faut tout faire. Aller chercher son pain, etc. Alors ici, c'est plus simple. On a moins de soucis. On n'a plus le souci d'aller faire des commissions. La vie est facilitée. Donc, on voit bien que pour ces personnes âgées, les moyens mis en œuvre par les établissements sont totalement intériorisés et acceptés. Alors une autre qui me dit, 98 ans, qui est ancienne commerçante, « Je ne me plains pas, j'ai eu de la place, j'ai ma vie ici, je suis très contente parce que chez moi, je ne pouvais plus rien faire. » Alors, ces personnes, avec les professionnels, elles coopèrent entièrement. Ces liens qui sont assumés avec les professionnels leur permettent de se préserver d'une mise en dépendance totale de leur existence. Elles peuvent, détourner certaines prescriptions institutionnelles pour maintenir coûte que coûte une autonomie et une identité valorisée. Donc elles vont vraiment coopérer pour mieux mettre à distance toutes ces injonctions, injonctions à la norme de dépendance. Donc je vous ai cité tout à l'heure cette dame avec son ménage, mais par exemple, ça va être typiquement une personne qui va plutôt vouloir prendre l'ascenseur. Elle va plutôt vouloir prendre les escaliers plutôt que l'ascenseur, alors même que tous les soignants lui disent qu'il ne faut absolument pas qu'elle prenne les escaliers, sinon elle va se casser la figure, ce qui est potentiellement, parce qu'elle a une grosse tumeur, son visage qui est complètement décomposé. Mais cette dame, elle préfère prendre les escaliers, et notamment ce qui lui permet de maintenir une identité valorisée. Et c'est ce type de personnes aussi, elles vont faire valoir des compétences qui sont liées à leur statut social antérieur pour se valoriser le plus possible avec les professionnels. Alors par exemple, il y a une ancienne résidente femme de ménage, qui était femme de ménage avant, qui intervient assez régulièrement, assez systématiquement auprès du personnel d'entretien de l'établissement pour les conseiller dans leurs activités. Elle cherche, dans son cas, à se faire reconnaître aux yeux des autres, des aspects, des formes valorisées de sa personnalité. Alors, par exemple, elle me dit, ça reste, mais comme on est sur quelque chose sur les routines, sur l'activité banale, je me suis dit, vous allez. Donc, cette dame, elle a 80. Alors, elle est en concubinage, elle a son compagnon qui est à l'étage dans les parties des personnes qui ont Alzheimer, enfin, une démence. Donc elle me dit, je trouve que ce qui est bizarre pour le ménage, elles ont un balai très mouillé. Lorsqu'elles font ici dans ma chambre, c'est une piscine. Il faut attendre que ça sèche, mais ça ne se nettoie pas de mouiller comme ça. Parce que moi, étant femme de ménage, il fallait frotter. Je trouve également qu'on ne peut pas ouvrir les fenêtres, ça dégage une humidité et ça décolle les morceaux de tapisserie qui sont collés. Je leur ai dit aussi. Donc on voit bien qu'elle valorise beaucoup son statut social antérieur et cette activité. Alors moi, quand elle me dit, je ne pensais vraiment jamais dire un jour, jamais citer cet extrait d'entretien. Je ne sais même pas si je l'ai cité dans ma thèse, mais je le trouve tellement, parce que finalement, cette activité de ménage est extrêmement important à ses yeux. Enfin moi, ça peut nous paraître totalement banal, mais pour elle, c'est extrêmement important. Alors c'est une ancienne. Elle n'est pas ancienne femme de ménage. Si, elle est ancienne femme de ménage, pardon. Si, en plus, elle est ancienne femme de ménage. Donc, tout est mis en œuvre pour ces personnes pour lutter contre l'image de la déchéance humaine et de l'assignation identitaire négative. Elles veulent vraiment maintenir une utilité sociale. Elles peuvent aussi faire valoir des activités professionnelles auprès de leurs enfants. Et j'ai l'exemple d'une personne qui était ancienne directrice générale d'une grande mutuelle française, qui me dit qu'elle avait une activité professionnelle qui me met tout de suite sur le même plan que quelqu'un comme un directeur de maison de retraite, je dirais même au-delà. Donc, cette personne, elle a eu plus de 1000 employés sous sa direction, enfin vraiment, donc là c'est plutôt niveau. Supérieure. Et elle s'occupe des papiers de ses enfants. Donc, dans l'extrême entretien que j'ai réalisé avec elle, elle me dit donc, tout en montrant du doigt. Alors je rentre dans sa petite chambre qui fait à peu près 20-25 mètres carrés, qui est plutôt une chambre relativement grande hein, de l'établissement. Et je vois, bon, déjà, elle a un énorme bureau avec plein de dossiers. Alors, je trouve ça assez étonnant, déjà, parce que, bon, j'avais jamais vu... Enfin, voilà, d'habitude, il y a parfois un programme télé, et encore, ou des mots fléchés, mais là, c'est vraiment pour ceux qui sont les plus autonomes. Et donc, là, plein de dossiers, etc. C'est une bibliothèque aussi remplie de dossiers. Enfin, voilà, comme la bibliothèque d'ici, remplie de dossiers. Et elle me dit, ça, sont tous les dossiers. Je veux bien que les dossiers de la famille soient quelque part... Ma fille m'a dit, eh bien, tu vas les prendre. Alors, je lui dis, pourquoi tu peux pas les prendre, toi? Elle me dit, non, c'est toi qui vas les prendre. Donc, j'ai tous les dossiers de la famille. Bon, je m'en occupe pas tous les jours, ce qui n'empêche pas que je les ai en charge, et je suis forcée d'y penser. Je vis avec eux. Je les vois tous les jours. Encore aujourd'hui, regardez. Alors, elle prend une enveloppe sur son bureau. Quand là, c'est la Société Générale. Ah, il va falloir que je m'en occupe. Donc... On voit que ses compétences professionnelles et la sollicitation de ses enfants lui permettent de se sentir utile auprès d'eux. Et finalement, ces activités banales, pour ces personnes âgées, vraiment leur permettent de garder une valorisation identitaire. Alors, cette dame, elle classe, elle range, elle trie, elle avertit comme une cadre dirigeante des nouvelles démarches à effectuer, enfin, que ses enfants doivent effectuer. Donc on voit aussi que les enfants là, peuvent jouer un rôle dans cet entretien des activités ordinaires en établissement. Ces personnes, bien entendu, sont les personnes qui ont le plus de capitaux, hein, et pour parler pour deuxième, et sont aussi ceux qui ont le plus de liens sociaux. Elles bénéficient de la force de leurs liens sociaux pour faire face à l'épreuve de la dépendance. Alors, le second type, se résigner, il renvoie à la situation de personnes appartenant à des milieux sociaux plus hétérogènes. Ce sont les autres, le médecin, les enfants qui leur ont fait prendre conscience de leur état de santé dégradé. Elles se sont résignées à quitter leur domicile pour soulager le travail et les inquiétudes de leurs enfants. Donc, je passe très vite, hein, mais c'est essentiel. Contrairement aux types acceptés, elles n'ont pas choisi volontairement de venir s'installer en établissement. Mais elles se sont plutôt laissées guider par les décisions de leurs proches. Dans les institutions, du coup, l'apprentissage de leur statut de dépendant se fait avec beaucoup plus d'ambivalence. Elles coopèrent, mais elles sont particulièrement insatisfaites des liens avec les professionnels. Ces derniers cristallisent tout un ensemble de frustrations identitaires. Elles pointent du doigt tous les dysfonctionnements de l'EHPAD, c'est-à-dire le manque de personnel, le manque de formation des personnes qui s'occupent d'elles. Elles sont particulièrement critiques des activités routinières effectuées par les soignants. Et elles sont, de manière générale, très critiques vis-à-vis de la prise en charge en établissement, que ce soit la nourriture, les animations, les activités soignantes, etc. Donc, par exemple, l'une d'entre elles me dit « les soignants, on ne les voit jamais ». À part les infirmières qui donnent les pilules, il n'y a aucun rapport. Comment allez-vous? Qu'est-ce qui ne va pas? Rien. Jamais, jamais, jamais. Alors, il faut quand même dire qu'il y a 20-30 personnes à l'étage, et en principe, deux infirmières. Les aides-soignantes, elles sont une à deux. Il y a des élèves qui apprennent le métier, mais elles ne savent rien faire. Une autre qui me dit, j'étais étonnée, elle ne parle même pas 5 minutes, j'ai pas de chance, ce n'est pas la phrase miracle pour appeler le personnel. Je ne sais pas si elles entendent ou pas. Quand je les appelle, elles disent oui, j'arrive, mais elles ne viennent jamais. Et encore une autre, il y a des animations, j'y suis allée au début, mais alors ça ne me plaît pas du tout, c'est débile, ou alors je suis tombée au moment où ils faisaient des choses vraiment débiles. Non, moi les animations, c'est pas la peine. Donc on voit que ces personnes, elles voudraient susciter plus d'empathie vis-à-vis des professionnels avec lesquels elles sont en interaction, et l'impossibilité de pouvoir attirer l'attention du personnel les renvoie à une image vraiment dévalorisée d'elles-mêmes. Donc contrairement au premier type, s'accepter, ces personnes âgées, elles ne font pas part de compétences professionnelles particulières avec les autres personnes avec lesquelles elles sont en interaction. Mais par contre, les activités routinières sont extrêmement critiquées. Et ces personnes, tout en critiquant, elles suivent le rythme. Elles sont quand même contraintes de suivre le rythme de travail des soignants. Ce qui provoque chez elles une profonde frustration. Donc c'est pour ces personnes, toutes les dimensions de l'institution sonnent faux. Et tout est artificiel, notamment les animations. Donc on ne pense pas du tout leur ennui. Les ateliers d'animation font passer le temps, mais ils ne sont pas investis et ces personnes n'attachent pas de sens symbolique à ces activités. Comme le dit un de ces, donc ça c'est un homme qui dit, ancien ingénieur qui est 85 ans, on passe du temps à s'ennuyer. Malgré les activités, on s'ennuie. L'ambiance générale, c'est l'ennui, c'est l'eau. Donc on voit bien là que ces personnes vraiment sont, critiquent les activités routinières des soignants, critiquent la prise en charge en général et sont complètement... En même temps, elles doivent suivre le rythme des soignants. Et du coup, ce sont des personnes qui vivent avec un profond ennui. Elles attendent que les professionnels les prennent en charge. On ne va pas revenir dessus, mais pour résister, ce sont des personnes qui vont notamment utiliser le registre du mépris à l'égard des autres résidents, notamment aussi des professionnels, pour résister à cette identité très, enfin, à ce statut social, à ces formes de frustration qu'elles peuvent vivre. Finalement, ces personnes, elles souffrent d'un profond décalage entre leur identité personnelle et la définition que les autres adoptent à leur égard. Et ces personnes sont marquées notamment par... elles ont des familles qui sont présentes, qui viennent régulièrement les voir, mais par contre, elles souffrent des liens qu'elles nouent avec elles, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas satisfaites des liens sociaux qu'elles nouent avec leur famille. Donc, elles vivent un profond sentiment de solitude. Donc, cette idée d'expérience se résigner, c'est la plus courante parmi mes enquêtés. Enfin, le dernier type, et j'ai terminé. Le type s'abandonner, c'est le type à l'extrême opposé du type s'accepter. Donc, si les uns maintiennent à distance le discrédit associé à la dépendance, donc s'accepter, s'abandonner, ces personnes âgées n'y parviennent absolument pas. Ce sont des personnes qui se rapprochent, qui sont plutôt issues des milieux sociaux les plus défavorisés en ressources familiales, qui n'ont pas de descendance, donc elles sont isolées au sens strict du terme. Soit elles n'ont pas de descendance, ou alors elles vivent des ruptures avec leurs enfants, donc des conflits, des ruptures, qui fait qu'elles ne les voient plus. C'est aussi celles qui sont les plus défavorisées. Mais je pense que vraiment, la variable la plus explicative, la plus forte, c'est cette dimension du lien familial qui est totalement absent. Dans ce type, les différentes phases du parcours de dépendance sont plus définitivement saisissables. L'entrée en institution a été totalement soudaine et inattendue. C'est des personnes dont on peut dire qu'elles ont été placées du jour au lendemain, sans aucune préparation, ce qui accentue leur sentiment d'inutilité sociale et de déshumanisation. Elles font l'expérience d'être des inutiles au monde. Par exemple, donc une d'elles me dit... on ne sert à rien, on n'est plus bon à rien. Une autre me dit, ma vie n'est de 100... Alors, la première, elle a 89 ans, et l'autre, elle est de 102 ans. Elle me dit, ma vie n'est pas normale comme elle devrait l'être. Vous savez, je ne suis plus rien, je ne suis plus rien, je ne suis pas intéressante. Donc on voit bien là qu'elles font l'expérience totale d'une certaine forme de déshumanisation. Et les relations nouées avec les professionnels sont vécues comme destructrices pour leur identité. Elles font vraiment l'expérience d'une vie de reclus à la Goffman, d'une expérience contraignante, une expérience de vie très contraignante et d'une soumission totale aux soignants. Finalement, ce qui se démarque de se résigner, c'est qu'elles sont même plus critiques en fait, vis-à-vis de la prise en charge. Elles vivent la dépendance dans toutes les dimensions de leur personnalité et de leur existence. Donc, par exemple, un monsieur qui me dit, vous savez, comme toutes les maisons où il y a des vieillards, on utilise des couches. Ici, c'est comme ça que ça se passe. On est dans ces couches toute la journée, toute la nuit. Et de temps en temps, on nous change. Et puis, on nous descend à des activités. On voit bien cette espèce de glissement de ces personnes qui sont totalement tributaires des soignants. Une autre qui me dit, on ne nous demande pas grand-chose. Surtout de ne pas faire de bruit, de ne pas faire de bêtises. On est entouré de gens qui ne font pas attention à vous. On ne prend pas en compte mon avis. Et enfin, une autre, on attend pour tout. Le matin, on attend notre petit déjeuner, on attend pour la toilette, on attend pour être couché, on attend pour tout, pour tout. Donc, ces personnes, elles sont complètement absorbées, en fait, par les routines de travail des soignants et totalement... elles n'ont plus aucune prise sur leur existence. C'est vraiment, je crois que c'est vraiment la caractéristique principale de ces personnes âgées. Elles utilisent beaucoup d'expressions relatives à l'enfermement, à la prison. Elles évoquent des pratiques qu'on retrouve dans le milieu carcéral, comme les déplacements contrôlés, l'ouverture de leur courrier, le contrôle de leur argent. Donc elles font vraiment l'expérience d'une vie recluse. Donc pour ces personnes âgées, la rupture de leurs liens sociaux fait que du coup elles doivent, elles peuvent résister en fait en se repliant sur leur moi intérieur, enfin, vraiment sur un refuge identitaire très très personnel, très individuel. Donc ça va être les rêves, les souvenirs, mais aussi le désir de mort qui leur permet de résister à leur mort sociale finalement. Voilà. Donc elles sont, voilà, il n'y a plus de sens à leur vie, plus d'activité banale ou anodine, mais plutôt elles vivent l'anéantissement total de leur personnalité. Donc pour conclure, je ne sais pas si je suis dans le timing. En fait, quand j'ai préparé cette communication, moi je ne fais pas une thèse, j'ai pas fait une thèse sur les routines, mais finalement, j'ai un petit peu réfléchi à ça, là, et ce qui m'est apparu assez intéressant, c'est que les routines, elles ont un statut relativement hybride en EHPAD. On va beaucoup les valoriser, les activités ordinaires sont valorisées, elles permettent de, soi-disant, enfin en tout cas de favoriser l'autonomie des résidents. Mais très concrètement, les contraintes du travail des soignants s'imposent totalement aux existences des personnes âgées. Et ce sont plutôt les routines de travail des soignants qui régissent et organisent totalement les existences. Et donc après, on a montré que les expériences de vie étaient très différentes selon le niveau socio-économique et les ressources des personnes âgées. Voilà, j'ai un peu une conclusion très, très courte. Mais je crois que c'est vraiment ce statut hybride, en fait. Je ne sais pas comment l'appeler, mais en tout cas, voilà. Et je trouve qu'il y a un peu une tension. Cette valorisation et la réalisation très concrète qui est complètement une illusion.